The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To pick up. Reprendre. To realize. Réaliser. File. Le dossier. To have a look. Jeter un coup d'œil. Cost. Le coût. Supplier. Le fournisseur. Competitive. Compétitif. Costs. Les frais. To export. Exporter. To renegotiate. Renégocier. Margin. La marge. Product. Le produit. Competitor. Le concurrent. Now, a bit faster. Competitor. Le concurrent. To pick up. Reprendre. Supplier. Le fournisseur. Competitive. Compétitif. File. Le dossier. Competitive. Compétitif. Supplier. Le fournisseur. Margin. La marge. Product. Le produit. To have a look. Jeter un coup d'œil. To renegotiate. Renégocier. To export. Exporter. Costs. Les frais. Product. Le produit. To have a look. Jeter un coup d'œil. Product. Le produit. Supplier. Le fournisseur. Costs. Les frais. Competitive. Compétitif. File. Le dossier. To have a look. Jeter un coup d'œil. To renegotiate. Renégocier. To have a look. Jeter un coup d'œil. To export. Exporter. Competitive. Compétitif. To realize. Réaliser. Now, use the words in context. Reprendre. After recuperating for 2 months, he went back to practice. Après 2 mois de convalescence, il a repris l'entraînement. Réaliser. I produced a documentary on environmentalism in the third world. J'ai réalisé un documentaire sur l'écologie dans le tiers monde. Reprendre. I'm not in a position to answer you at the moment. Je ne suis pas en mesure de vous répondre pour le moment. Reprendre. After recuperating for 2 months, he went back to practice. Après 2 mois de convalescence, il a repris l'entraînement. Reprendre. I'm not in a position to answer you at the moment. Je ne suis pas en mesure de vous répondre pour le moment.